yeah, yeah, yeah, yeah. J'ai un pied dans le rap français, un autre pied dans le quartier. Crois-moi frérot, on y est, yeah, yeah, yeah, yeah. J'suis dans Marseille, on se promène comme Kardashian et Kenny, yeah. C'est la zone qui débouloche les gars. On va te mettre un KO. Ah, Supra ou c'est du là. Elle veut mon cœur ou ma carte, tu sais pas. J'viens de loin, ils sont pas idées, sont pas idiots. J'ai pas le time, toute leur story sur moi, je m'en fous. J'loue la Mercedes, j'en ai marre, c'est d'elle. J'veux oublier les problèmes et toutes ces journées sans sous. J'dis pas que j'suis le king, j'fais la Saraki. Moi j'm'en bats les couilles, madame ou baraque. On a sous baraka, on a la baraque. J'suis pas le baraqué, j'prends pas, j'agis comme Khabib dans la cage. Coronet, c'est des pièces dans mon balacoste. Il paraît que ça veut que je coule, mais je l'ai dit. On a levé tout le sang, laisse-nous un peu nous mettre sur Vicky. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. J'ai un pied dans le rap français, un autre pied dans le quartier. Crois-moi frérot, on y est, yeah, yeah, yeah, yeah. J'suis dans Marseille, on se promène comme Kardashian et Kenny, yeah. Ya, ya, ya. Zin, zin, zin. C'est le retour du H et c'est formidable. Nouveau contrat, nouveau projet, nouvel habitacle. J'suis en bas du bloc, j'tiens les murs de Varabita. Le terrain parle en point dans le rap, j'ai aucune relation amicale. Ouais ouais, j'ai viscère le 1000K. Ouais ouais, j'ai une paire de Dita. Ouais ouais, je remercie Dieu, frère, j'écrivais à volume 1, volume 2, volume 3. Tu vis par le fer, tu meurs par le fer, par terre en croix. J'ai grandi dans le mal trafic, avec des Marocains, des Espagnols, des Hongrois. T'as l'air chaud, regarde bien devant toi. Y'a le J, y'a le H à Sopra. Ça rime fort avec le bruit du RS3. Je sais comment me refaire, je suis très fort. Des minons, une palette, cellophanée. J'traîne au cabaret, derrière les oranais. J'viens du 8-3, je suis marseillais. J'défends mon terrain, comme Adjou Rami. Nettoie ma couronne, petit valet. Avec ou c'est Joule, on est calé. Dans le barrio, l'ambiance est latino. Que des têtes brûlées dans la Bentley. Ne joue pas les uns, pas des mythos comme toi. On les fait tous danser à la queue-le-le. Tu passes ton temps à faire le fou alors qu'on sait tous ici que c'est toi la folle-le. Toujours là, toujours vrai. Et ça depuis le son des Banderos. Oulala, m'appelle pas Bamboula. Ou t'auras le cœur de Juliano Ross. La moula, le chocolat. Ici y'a que ça dans la bouche des gosses. Star fou avec moi là, cette nana elle fait la halal depuis qu'elle m'a vu dans The Voice. Viens dans les favelas de Mars. On fait plus de pétrole que dans Dallas. Ça fume de la love, ça sentit sur la terre jusqu'à avoir la gueule à Fantomas. Ous, ous, djoujoun. La connexion est tellement sale qu'elle fait même vibrer la tombe de Christopher Wallace. Aujourd'hui c'est comme hier, le monde est stone. J'suis en calendrier ou j'suis en stone. Tous les mille roulent des connes. J'regarde le ciel et moi j'suis stone. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. J'ai un pied dans le rap français, un autre pied dans le quartier. Crois-moi frérot, on y est, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. J'suis dans Marseille, on se promène comme Kardashian et Kenny, yeah, yeah, yeah, yeah.